19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Entre 2014 et 2017, les archéologues mettaient au jour dans un quartier d'Arles des niveaux jamais atteints et révélaient ainsi la présence d'une riche maison romaine contenant d'exceptionnelles fresques aux couleurs pompéiennes. Le magazine d'archéologie de France Culture s'en était fait alors bien entendu l'écho. Cette demeure, désormais baptisée la maison de la harpiste, en référence à l'un des personnages peints sur ses murs, se distingue par des datations très précoces, les années 70 à 50 avant notre ère. Malgré l'état de conservation remarquable de ces enduits peints, des milliers de fragments sont actuellement en cours de remontage. Je me suis donc rendu à Arles, au musée d'Arles antique exactement, pour retrouver Julien Boilève de l'INRAP, grand chef d'orchestre de ce gigantesque puzzle. Julien Boilève, 6 ans après la grande découverte des peintures pompéiennes à Arles, l'aventure continue ? Exactement, l'aventure continue. Alors, en fait, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Hein. Après les 4 campagnes de fouilles, nous avons tout de suite engagé les études de peinture, donc dans le cadre de la post-fouille. Mais nous avons d'abord consacré notre travail aux peintures des maisons postérieures à la fameuse maison de la harpiste, donc aux peintures du 2e et 3e siècle, qui ont livré des ensembles tout à fait conséquents et intéressants, mais évidemment, le gros morceau, entre guillemets, c'est l'ensemble de la maison de la harpiste qui présente 800 caisses de fragments sur les 1200 que nous avons prélevées et dont nous étudions cette année une première pièce. Avant de plonger dans votre puzzle géant, je vous propose de revenir sur le terrain, la fouille en l'été 2015 et la découverte de cette maison du 1er siècle avant notre ère. Dans les années 80, nos confrères avaient déjà trouvé quelques morceaux de céramique qui témoignaient d'une occupation du premier avant, mais rien vraiment de très palpable. C'est seulement en 2013, avec Alain Genot, mon collègue, tous les deux nous sommes venus dans le cadre d'une fouille dite d'urgence, dont le but était de redégager le site en vue de le remblayer intégralement. On a profité de cette opération pour faire un sondage dans une tranchée d'épierrement, et à l'occasion de ce sondage, on a pu constater la stratigraphie, justement, et on a pu constater que cette maison, qu'on avait une succession de maisons, les unes sur les autres, la maison de la fin du 2e siècle au mosaïque qui reposait sur cette maison du 1er siècle après au sol en béton qui reposait sur ce remblai et sur un sol sous-jacent d'une maison du 1er siècle avant. Et surtout, nous avons pu dégager 2 murs maçonnés qui comportaient chacun sur leurs parois des parois peintes extrêmement bien conservées puisqu'on avait un petit peu entaillé la berme pour dégager les enduits peints en place. Et ces enduits peints, on a pu les observer sur 1 mètre de hauteur, 10 cm de profondeur. On n'avait aucun élément de datation puisque dans les remblais qu'on avait dégagés, il n'y avait aucun fragment de céramique qui avait été dégagé. Donc on a envoyé les photos de nos fragments de peinture en place qui étaient très bien conservés par les remblais. Donc on a pu les dégager sur 10 cm de profondeur, mais les pigments étaient parfaitement bien préservés. On en a fait les photos, on les a rapidement envoyées à Julien Boilève qui, dans l'heure qui a suivi, nous a contacté et s'est enthousiasmé et l'a tout de suite identifié comme des peintures du deuxième style pompéien qui étaient très très bien calées chronologiquement dans la période des années 70-20 avant notre ère. Donc à partir de ce moment-là, on avait une certitude, on était dans une maison du 1er siècle avant Jésus-Christ. Julien Boilève, ce qu'il faut dire, c'est que ici, dans les années 70, on est déjà au cœur du territoire romain. Alors absolument, on est déjà dans une province qui a subi la conquête, des 125 avant Jésus-Christ, donc dans une région qui est déjà bien romanisée, où les élites sont installées, les circuits politiques et commerciaux sont tout à fait en place. C'est pour ça que dans cette région du sud de la France, on trouve des maisons qui comportent déjà ces décors de fameux deuxième style pompéien, qu'on ne connaît que dans cette région pour l'instant, et c'est bien normal donc du fait de cette romanisation précoce. Alain Genot, Arles est déjà une colonie. Oui, Arles obtient un statut un peu particulier en 46 ou 45 avant Jésus-Christ, puisque comme elle a aidé Caius Iulius César dans sa lutte contre Pompeius Magnus, donc la guerre civile, Arles a soutenu César. Et dans ce cadre, comme César l'emporte, eh bien, la ville d'Arles va être récompensée. Et César va lui donner un statut particulier qui est celui de colonie de droit romain, qui est le statut ultime pour une cité romaine. Donc c'est une cité indépendante. Et tous les citoyens libres d'Arles vont devenir automatiquement citoyens de Rome. Donc il la place au pinacle des cités romaines de ce sud de la Gaule qui va devenir la Narbonnaise. Tout ça parce que Arles a concédé 12 bateaux à César contre Marseille, c'est bien ça ? Exactement. Arles, à travers ses chantiers navals, a fourni une aide extraordinaire à César, puisque dans la lutte contre Marseille, Marseille est une puissance maritime, et il faut bloquer sa flotte. Or César n'a pas assez de bateaux, et Arles, en un temps record, va lui fournir 12 navires, et va lui permettre du coup de remporter la victoire. Donc c'est une façon de récompenser la cité et bien évidemment aussi de pourvoir au futur de ces légionnaires qu'il va démobiliser et à qui il faut bien donner des terres et un statut social. Donc dans la ville vont s'installer des colons romains et justement c'est ce qui est très intéressant pour nous, c'est que la fouille que nous menons actuellement, la maison que nous avons dégagée semble correspondre à l'installation de ces premiers colons. On va descendre donc quelques marches pour plonger dans le premier siècle avant notre ère en évitant de se faire mouiller puisque visiblement on arrose le terrain pour que ça ne sèche pas trop. Donc nous voici face à une bâche bleue avec donc un grand panneau. Qu'est-ce que ça représente, Julien Boilève ? Alors effectivement, là on est dans la pièce fouillée l'année passée qui correspondait à la première salle que nous avons explorée de cette maison du 1er siècle avant Jésus-Christ, où est conservée une peinture en plâtre sur un parement, sur une longueur conséquente. On est à près de 3,60 m, une hauteur de 1,20 m, et on a là un décor typique de deuxième style, très coloré, très vif. Hein. On voit toute la conservation de ces couleurs. On a aujourd'hui sous les yeux une reproduction, mais elle a été déposée, évidemment, cette peinture. Un décor de deuxième style qui se caractérise par une imitation encore d'architecture, c'est-à-dire qu'on va être dans une peinture qui est encore un embellissement du mur avec cette évocation architecturale. La particularité de cette peinture, c'est qu'elle se décompose en deux parties bien distinctes qui marquent justement cet espace de la chambre avec une partie qu'on va qualifier d'antichambre et une partie d'alcôve qui est destinée à recevoir le lit. Les deux parties du décor reprennent donc cette notion architecturale avec un traitement en soubassement comme une imitation d'un podium avec ses moulures qui sont bien marquées, des imitations de marbre sur la droite, des bandes colorées assez étonnantes sur la gauche, et ce podium va porter dans l'antichambre des jeux de colonnes, fausses colonnes, hein, tout ça c'est en peinture, c'est fictif, colonnes peintes en jaune, et dans l'alcôve, plus riche, des plaquages de marbre très colorés avec une imitation donc de roches précieuses. Alors des plaquages de marbre, mais aussi un décor de sorte de petite fleurette hein, en bas. Voilà, alors sur la partie de l'alcôve, nos bandes colorées sont recouvertes d'un jeu de réseaux, de cercles sécants et tangents qui dessinent des formes de rosaces à 5 ou 6 feuilles. Et un motif qui est connu en mosaïque, qui est connu par ailleurs en peinture, mais l'association des deux, bandes colorées et réseaux de cercles sécants, n'était jusqu'à présent pas connue. Il faut plonger sous la bâche pour voir ce que vous fouillez aujourd'hui ? Absolument, la pièce voisine est protégée par une bâche du fait de la fragilité de certains pigments de ces peintures qui craignent le soleil et donc on est contraint à travailler sous cette bâche même si ça augmente quelque peu la chaleur des lieux. On peut voir ? Absolument. Alors nous voici dans une pièce avec quoi ? 1,60 m d'épaisseur à peu près et un petit appareillage de pierre en calcaire ? Alors, pour la pièce du 1er siècle avant Jésus-Christ, cette salle conserve deux de ses murs en élévation, les murs est et ouest, parallèles, qui sont constitués d'un soubassement de petits moellons de pierre, mais dont l'élévation était en terre. On a conservé ici l'intégralité du soubassement d'origine, et on a même sur la partie supérieure du mur des fragments d'amphores qui sont posés, qui marquent le départ du mur en terre, ces fragments d'amphores étant destinés à protéger la partie en terre des remontées d'humidité par capillarité. Et puis, dans une boîte, immédiatement quelque chose qui frappe l'œil, une sorte de petit tesson qui n'est pas un tesson, qui est probablement de la fresque ou de l'enduit peint, et alors d'un rouge superbe. Alors effectivement, là on est à un stade où la fouille est presque finie, donc les peintures qui étaient en place sur les murs ont été déposées en grande partie ou sont en cours de dépose par les restaurateurs. Mais il y a également, au-delà des peintures en place, dans les remblais qui comblaient cette pièce, une multitude de fragments. Quand je dis une multitude, c'est vraiment des milliers, des dizaines de milliers de fragments qui vont venir compléter notre connaissance du décor. Ça correspond en fait aux parties supérieures du décor qui étaient effondrées dans la pièce. Et on récupère donc tous ces petits fragments qui s'apparentent effectivement à des morceaux de fresques, avec des couleurs très très vives conservées, puisque la fresque permet justement de conserver bien ces couleurs. Qu'est-ce que l'on avait sur les murs? On le voit encore là, derrière, une sorte de toile de jute. D'ailleurs, dans cette pièce, on a une forte odeur de produits chimiques. Voilà, alors ça c'est lié effectivement aux opérations de dépose en cours qui se font à partir de colles qui vont permettre d'arracher la peinture du mur pour pouvoir la conserver. Il est impossible de garder ces peintures en place sans risquer de les voir se perdre définitivement. Le décor que nous avions ici est particulièrement intéressant puisqu'il est également attaché au deuxième style pompéien, mais cette fois avec une grande nouveauté puisqu'on a ici de la figuration à grande échelle, ce qui pour le coup est totalement inconnu, totalement inédit en Gaule. Donc on retrouve un soubassement à imitation de marbre, assez similaire à celui qu'on a pu avoir dans la pièce précédente, mais ce soubassement va lui porter cette fois un grand fond vermillon, donc là une abondance de ce pigment coûteux, et sur son fond vermillon, on va avoir des divisions liées à des colonnes fictives, là encore, assez riches, traitées en imitation de marbre, jaune et violette, et entre ces colonnes, des piédestaux avec un effet de perspective, et chaque piédestal va porter un personnage, dont on a retrouvé une multitude de fragments dans les effondrements, dont ces fameux visages d'extrême qualité. Vous parlez carrément de mégalographie ? Alors effectivement, on entend par mégalographie des décors qui utilisent des personnages à grande échelle. Alors le terme voudrait une représentation à échelle 1. De fait, on étend le terme de mégalographie à des représentations un petit peu moindres. Ici, en l'occurrence, on estime qu'on a une échelle à peu près 3 quarts. Et ça, c'est rarissime. Ça, c'est rarissime, tout à fait. C'est totalement inédit pour cette époque et pour ce deuxième style en Gaule. Et même à l'échelle de l'Italie, on a relativement peu de signes, puisqu'on est sur une demi-douzaine de sites recensés actuellement, dont les plus célèbres, Bosco Reale, la Villa des Mystères, Terzigno. Donc on est vraiment dans quelque chose de rare, de riche, de très riche même. Marie-Pierre Rethé, on est chez qui ici? Chez un Romain ou chez un Gaulois très très romanisé? Non, de toute évidence, on est vraiment chez un Romain. On est dans une période tellement précoce que là, la culture de Romaine vient s'implanter. Et donc, on a probablement affaire à un colon, à un notable Romain qui est venu s'installer à Arles et avec toute la culture romaine qui va avec. Et donc, il faut imaginer que ce sont des Italiens, un atelier d'artisans italiens qui sont venus du coup avec lui donc, construire cette maison et surtout mettre en place ses parois peintes qui dénotent en effet de la richesse de ce résident. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Julien Boilev, 6 ans après, vous voici désormais devant ce qui doit être le plus grand puzzle de France. Alors le plus grand puzzle de France, je ne sais pas, nous avons quand même beaucoup d'ensembles de toute période. En tout cas, un dossier extrêmement conséquent, particulièrement intéressant. C'est vrai que c'est un peu un monstre en termes de post-fouille. Hein. On a dit tout à l'heure qu'il y avait 800 caisses à étudier. Ça représente près de 800 jours de travail, puisqu'on estime qu'il faut un jour d'étude par caisse. Nous menons ce travail à 4 personnes. Je dirige l'étude pour l'INRAP et s'associe à moi 2 archéologues du musée et une restauratrice du musée départemental Arles-Antique. Et effectivement, eh bien, c'est un travail de longue haleine, puisqu'après avoir lavé chacun des fragments, il nous a fallu engager ce puzzle. Il faut donc imaginer ici la grande pièce dans laquelle nous sommes, qui fait un peu moins de 300 mètres carrés, dans laquelle nous avons disposé des grandes tables qui supportent des bacs à sable. Et dans ces bacs à sable, eh bien, nous remontons les plaques qui sont constituées de multiples fragments, parce que nous ne faisons pas un travail de restauration, mais un travail d'étude. Et donc, nous ne collons pas les fragments entre eux. Ils sont laissés libres, on peut les redémonter. Le but du jeu étant de remonter des plaques les plus grandes possibles pour avoir eh bien, la meilleure compréhension possible et du décor et de l'architecture. L'unité, ce serait la cagette. Exactement, notre unité de mesure, c'est la caisse, la cagette de prélèvement, parce qu'on prélève à peu près toujours dans le même type de caisse, à raison d'un niveau de fragment par caisse, et avec l'expérience et les années, on arrive à peu près à mesurer le temps qu'il faut pour faire une étude. Chaque cas restant différent, une caisse peut accueillir un très gros fragment, comme elle peut accueillir 30 tout petits fragments. Alors, j'imagine que le bas des fresques ont été protégés, c'est ce qu'il y a de mieux conservé en général. Là, vous êtes de fait sur les déblais. Il y avait quoi ? 1 mètre, 1 mètre 60 de déblais tombés dans n'importe quel sens et autres, qu'il a fallu fouiller en stratigraphie, relever et ensuite étudier par sorte de niveau d'objets tombés. Exactement. Alors, dans la pièce qui nous concerne cette année, à la fouille, nous avions une partie de la peinture qui était en place sur le mur, donc très bien conservée, en position, que nous avons prélevée, bien sûr, par l'atelier de restauration des mosaïques du musée d'Arles. Et puis, tout ce fragmentaire qui correspond aux parties supérieures de ce décor, qui était effondré dans les niveaux de Remblai, sur effectivement à peu près un mètre à un mètre soixante de hauteur. Donc, ce sont ces milliers de fragments. La particularité, c'est que dans ces milliers de fragments, il y a des choses qui sont effondrées de manière cohérente, avec des plaques qui sont déjà un petit peu en connexion. Donc, on a prélevé soigneusement en gardant les connexions. C'est une partie du puzzle qui est déjà faite. Et puis, de nombreux autres éléments en vrac, mais aussi des éléments d'autres décors. Dans cette pièce, il n'y a pas que le décor de la pièce qui est effondré, il y a des éléments qui viennent de l'étage, qui sont tombés dans la pièce du dessous, bien sûr, mais aussi, au gré du passage sur le site, au gré de l'abandon, des fragments des décors des pièces voisines. Donc c'est déjà un immense jeu d'observation et de démêlage. C'est-à-dire qu'on commence à observer les fragments, on s'aperçoit des choses qui vont bien ensemble, et puis on s'aperçoit que dans ce lot, il y a des fragments qui manifestement n'appartiennent pas au décor qu'on est en train d'étudier, donc on les écarte, on y reviendra après pour d'autres décors. Alors là, on est par exemple devant un panneau qui est vraiment très long, visiblement très étroit, très coloré, du vert, du rouge, le fameux rouge compagnien dont il faut absolument parler, et puis aussi du jaune. On est sur quoi exactement ? Alors là, on est sur une première plaque déjà assez conséquente, qui doit faire à peu près 1,60 m de longueur, qui nous donne une information sur ce décor de l'alcôve, effectivement très très coloré. On est sur des décors de deuxième style pompéien, qui imitent de l'architecture de grands appareils, avec ici des panneaux à imitation de marbre. Alors, imitation de marbre s'entend, c'est-à-dire que c'est plus des évocations de marbre, puisque là, il ne faut pas chercher à identifier un marbre existant dans la nature, mais justement, la création d'un espèce de marbre fantastique, merveilleux, très coloré. Vous avez ici, par exemple, un panneau avec de très larges veinures jaunes, doublées de veinures violettes, puis rouge cinabre avec des petits nodules à l'intérieur. C'est évidemment totalement irréaliste, mais c'est très coloré et c'est la mode de cette époque. Dans le film Fellini-Roma, que vous avez dû sûrement voir, les fresques découvertes dans le métro romain s'estompent et disparaissent à tout jamais. Vos propres enduits peints perdurent-ils notamment et conservent-ils encore leur belle couleur rouge ? Alors, chaque cas est différent. Pour le cas d'Arles, on a un petit peu des deux. J'ai envie de vous dire que ces enduits ont quand même traversé 2000 ans, plus de 2000 ans. Donc, c'est bien qu'ils sont assez solides. On les a retrouvés. Vous avez d'ailleurs noté vous-même la vivacité de ces couleurs. Donc, on a un enduit à fresque, une peinture qui a été peinte dans le mortier frais, où le pigment a été durablement fixé, d'où cette fraîcheur de la couleur. On n'est pas très loin, vraisemblablement, de la couleur d'origine. Il ne faut pas imaginer quelque chose de beaucoup plus éclatant à l'origine. Alors, évidemment, il y a quand même un petit peu d'usure, il y a la fragmentation, il y a des concrétions, c'est quand même un petit peu dégradé, hein. Ça a 2000 ans passé sous terre. Et là où on peut rejoindre un petit peu la référence au film, c'est que sur ces peintures, il y a ce rouge vermillon, que vous avez appelé rouge pompéien, on l'appelait comme ça avant, mais on va parler plutôt aujourd'hui de rouge vermillon, qui est fait à partir d'un pigment composé de sulfure de mercure, qui est un pigment très riche à l'époque romaine, qui est un marqueur de luxe, mais qui présente un inconvénient, c'est qu'il noircit à la lumière. Et ce noircissement peut intervenir très rapidement. Sur la fouille, en effet, nous avons quelques fragments restés exposés au soleil trop longtemps, qui, en l'espace de quelques jours, ont noirci. Donc on n'en est pas quand même à la dégradation du film de Fellini, mais on a quand même des notions de conservation préventive, ce qui explique aussi qu'on travaille avec les restaurateurs en lien qui travaillent sur ce sujet pour essayer de prévenir ces dégradations, puisque ces peintures sont évidemment destinées à être présentées dans le musée à terme et à en devenir une pièce maîtresse. Là, on est sur le bas, le haut du bâtiment ? Alors là, on est sur la pièce du rez-de-chaussée et au sein du décor, on est sur ce qu'on appelle la zone médiane. Donc il faut imaginer qu'en dessous de ces panneaux colorés, on a un faux podium. C'est une peinture qui imite l'architecture, donc un faux podium mouluré, au-dessus des grands blocs dressés en marbre qu'on appelle des orthostates, puis encore au-dessus des rangs de plus petits blocs, cette fois, également très colorés, alternant marbre et fond uni. Et nouveauté et chose un peu plus rare cette fois, une petite frise figurée qui s'intercale entre ces rangs de blocs, qu'on voit sur d'autres plaques un petit peu plus loin, et qui représente une petite scène d'amour chasseur. On a des petits personnages très rapidement esquissés, qui évoluent dans un cadre extérieur simplement marqué par des petits traits d'herbe et un arbre. Ces personnages sont nus, sont ailés, ce sont donc probablement des amours. Ils tiennent une lance et on a pu retrouver quelques éléments d'animaux, dont un lion bondissant. Donc, on a une chasse au lion. Alors, on ne sait pas très bien dire si c'est le lion qui poursuit l'amour ou si c'est l'amour qui poursuit le lion, mais en tout cas, ça reste une scène de chasse. Elles sont là ? Elles sont là. Ah, on va voir. Absolument indispensable. Donc on voit, c'est une petite bande pas très haute, hein, ça représente allez, moins de 20 cm de hauteur. Il faut imaginer que c'est placé à près de 2,50 m de hauteur du sol. C'est donc étonnant d'avoir des éléments aussi petits à une telle hauteur, mais c'est assez fréquent finalement en peinture romaine. On fait des petits détails que probablement, à part le peintre et l'archéologue, personne n'a jamais vu d'aussi près. Mais vous voyez, on a cette petite peinture très rapide, le personnage est un rendu assez efficace, mais quand on regarde de près, ce sont des touches très rapides, en simplement trois couleurs, du blanc, du marron foncé, un espèce de rose marron clair, et ça suffit à rendre tous les effets d'éclairage et de volume de ce petit amour nu, disposant d'un manteau rouge vermillon accroché au cou et tenant une lance. Rouge pompéien, toujours. On va aller voir ce grand panneau qui est très visiblement très avancé, très complet, donc... Là, on joue dans le jaune ocre. C'est très différent de ce qu'on vient de voir, mais en fait, ça appartient bien à la même pièce, puisque cette pièce était divisée par le décor en deux espaces, une antichambre et une alcôve, destinée à accueillir un lit ou une banquette, selon qu'on considère une chambre ou une salle à manger. Et dans l'antichambre, nous avons la chance d'avoir ici une partie du mur qui était effondrée intégralement, parce que c'était en fait une petite cloison de terre. Donc l'effondrement s'est fait beaucoup plus d'un coup, et on a un remontage tout à fait exceptionnel qui contribue à faire de cet ensemble quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois que nous avons une paroi complète du sol au plafond de deuxième style pompéien en Gaule, ce qui nous donne la mesure exacte de la pièce. On est à 2,90 m sous plafond et on retrouve un décor d'architecture, toujours un podium, une zone médiane avec des orthostates, des rangs d'assises, puis des rangs d'assises supérieures. Simplement ici, on a ajouté un petit effet de profondeur, un premier plan avec des colonnes, également traitées en jaune, qui se développent, colonnes à fulis, avec un très beau chapiteau à feuilles d'acanthe et à volutes. On a une notion un petit peu plus monochrome du décor ici, tout est traité en nuances de jaune. Est-ce que vous arrivez, d'après les enduits peints, d'après les fresques, à restituer les portes, les fenêtres ? Alors absolument, c'est un des intérêts de ces études archéologiques des enduits, au-delà du décor, de l'aspect stylistique, de ce que ça nous donne sur l'information du cadre de vie, du propriétaire aussi et de ses intentions. Le remontage des enduits peints, quelque part, c'est le remontage des murs. Ces murs, sur la plupart des chantiers, ont totalement disparu. L'enduit n'est pas un matériau intéressant à récupérer, on le laisse donc souvent sur place. Et son remontage, eh bien, est en fait le remontage des élévations. Et la plaque que nous avons sous les yeux est tout à fait probante, puisque sur un de ses côtés, elle présente un bord parfaitement droit et rectiligne, dans lequel on peut lire dans le bord du mortier des empreintes ligneuses. Ça correspond donc à une pièce de bois. C'est la pièce de bois qui encadrait la porte. On peut même noter que cette pièce de bois a brûlé et a dégradé le long de la plaque sur 2-3 cm la couleur jaune qui est devenue rouge. De même, une autre plaque nous montre la présence d'une fenêtre. Ces éléments qui sont évidents, on sait bien que dans une pièce il y a une porte, on se doute qu'il peut y avoir des fenêtres. Le fait est que c'est la peinture qui permet de les positionner précisément et d'avoir une vérité scientifique sur le remplacement. Julien Boilev, la maison fouillée en 2015 était bien entendu totalement anonyme. Ce n'est plus le cas désormais. Nous savons chez qui nous sommes ? Et non, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas trouvé d'inscription. Ça, les peintures ne nous le diront pas, à moins d'avoir un portrait du propriétaire avec une inscription peinte, mais ce n'est pas le cas. On se gardera bien d'identifier n'importe quel portrait trop vite. Eh bien, ici, on peut quand même qualifier la richesse de ce propriétaire. On voit ses choix, ses goûts. On suppose qu'il est évidemment très en contact de la culture romaine, ou peut-être probablement romain aussi. On a, et dans les décors et dans la construction de la maison, dans les matériaux, une volonté d'avoir une maison à l'italienne, avec des techniques qui ne sont pas encore présentes dans la région. La maçonnerie, certaines gargouilles en terre cuite, ces peintures montrent une volonté d'avoir sans doute fait venir et des matériaux et des artisans d'Italie pour réaliser ces décors. Après, l'identité du propriétaire, à part dire qu'il est riche, qu'il est probablement un personnage important de la cité avec du pouvoir, hein, ça reste réservé à des élites, ces grandes maisons et ces décors, on n'ira pas jusqu'à son identification. Julien Boilev, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que moi je suis sûr que la maison appartenait à une dame qui jouait de la harpe. Ah, alors notre harpiste serait le portrait, mais alors je vous répondrai qu'elle n'était pas toute seule cette dame, puisque dans la pièce il y a d'autres personnages. Si ces personnages sont des portraits, il nous faut donc trouver un propriétaire aux jambes poilues, aux sabots en guise de pied et aux cornes sur la tête, puisqu'on a également une représentation du dieu Pan dans la pièce voisine de celle que nous avons présentée, que nous étudierons l'année prochaine et qui est évidemment le morceau le plus important de cette maison, puisque là, ce sont des décors toujours de deuxième style, mais de mégalographie, ces grands personnages qui étaient jusqu'à présent totalement inconnus en Gaule. Ce qui est intéressant, c'est que désormais, on appelle quand même cette maison la maison de la harpiste. Oui, c'est une tradition en archéologie, souvent, plutôt que de numéros ou de lettres un peu tristes, d'appeler les maisons dans les villes où on fouille depuis des années par soit des objets, soit des éléments clés. Il y a les maisons mosaïques, etc. Et là, la peinture nous donnait, avec ce personnage emblématique qui avait fait un petit peu le tour du monde à l'occasion de sa découverte lors des fouilles, eh bien, on a retenu ce nom, la maison de la harpiste. Puisqu'on a donc une femme qui joue de la harpe, un instrument pas très fréquent. La lyre ou la cithare sont beaucoup plus souvent représentées. Donc c'est devenu la maison de l'harpiste. C'est une bacchanale, une scène bachique? Alors c'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais probablement, justement, si on en croit les quelques éléments que nous avons vus des autres personnages, moi j'ai repéré quelques fragments qui pourraient correspondre à un tirse, le grand bâton tenu par Bacchus. On a donc ce dieu Pan avec ses cornes qui fait partie aussi du cortège bachique. Du coup, l'harpiste avec son vêtement volant vent pourrait effectivement peut-être être identifié à une ménade dans le cadre de ces cortèges bachiques où la musique, la danse et la transe sont bien connus. Maintenant, là, on va attendre l'année prochaine et vous reviendrez nous voir pour avoir la suite. Alors, est-ce que cette maison de la harpiste, c'est la volonté quelque part, même peut-être déguisée, de rivaliser avec Pompéi? Pompéi qui a des maisons avec des noms. Non, j'irai pas jusqu'à rivaliser, il faut toute proportion garder. Évidemment, nos comparaisons, qui plus est en peinture, sont très facilement faites avec Pompéi, mais c'est un petit peu vrai pour toute l'archéologie romaine, pour une bonne et simple raison, c'est qu'évidemment, Pompéi est le site le mieux conservé, le plus grand corpus de peinture, que la définition des styles pompéiens s'est faite en référence au corpus de Pompéi. Et qu'ils viennent de sortir des merveilles. Et qu'ils viennent de sortir des merveilles, encore, les fouilles sont toujours actives et le patrimoine y est toujours très très riche. Maintenant, il faut aussi lutter un petit peu, même si évidemment, dans le cadre de la communication, pour le grand public c'est parlant, donc on fait facilement référence à Pompéi, mais il faut quand même se méfier en termes scientifiques de ce qu'on a même appelé le pompéianocentrisme, c'est-à-dire de ne pas regarder tout le monde romain et toute l'archéologie romaine à travers le prisme de Pompéi. Pompéi n'est qu'une petite ville, certes riche, mais ça n'est pas Rome non plus, et donc si c'est très bien conservé, ça n'est pas forcément le portrait exact de toutes les villes de l'Empire. Alors pour conclure, je reviens sur un sujet dont nous avons déjà parlé, mais certains auditeurs de France Culture sont des cruciverbistes confirmés. Pour eux, vous avez créé un mot spécial, un nouveau mot. Un nouveau mot. Alors c'est pas moi qui l'ai créé, j'ai fait la demande à l'Académie française. Il se trouvait que notre discipline est une discipline assez récente en France, elle existe depuis les années 70. Et on s'appelait pompeusement les spécialistes des peintures murales et stucs d'époque romaine. Autant vous dire que dans les cases, notamment administratives, ça ne rentre pas. Et il a paru important, donc, comme plein d'autres disciplines de l'archéologie, de trouver un nom, alors pas forcément plus évocateur, mais plus court. Nos collègues suisses s'appelaient des picturalistes, mais c'était problématique. Iste est celui qui fait. Picturaliste, c'est un mouvement de photographes du 19e ou du début du 20e, je ne sais plus. Et donc, ça ne collait pas. Et un peu par hasard, j'ai contacté l'Académie française. Il se trouve qu'à l'Académie française, il y a un service dictionnaire, qu'il y a des commissions et des personnes chargées de créer les néologismes scientifiques. Et le collègue de l'Académie m'a rappelé 2 jours après, a fait des recherches dans des textes grecs, puisqu'il voulait du grec. Il était hors de question de partir sur picturologue, puisqu'on associait du latin et du grec, vous n'y pensez pas. Et il a fait un travail remarquable, je dois dire. Il est venu présenter dans un colloque. Et il a trouvé donc des mentions dans des textes grecs du 2e siècle après Jésus-Christ, je crois, qui parlaient de peintres de peinture murale comme étant des toikographeine. Toikos, c'est le mur, la muraille. Graphein, l'écriture, le dessin, la peinture. On a dû rajouter logos, donc celui qui cherche, qui travaille sur la peinture murale. Voilà. Alors ça s'entend pour toute période. Moi, je suis spécialisé sur la période romaine. Et effectivement, au mot croisé ou au Scrabble, c'est un sacré mot puisqu'il y a T-O-I-C-H-O, hein, sans tréma sur le I. J'y tiens, c'est du grec, donc on prononce toiko. Voilà. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Valérie Lavalard, et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.